donc un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur RIG 90.7 de la bande FM, rigfm.fr, pour écouter cette fameuse émission Johnny de A à Z. Oui, c'est la 24e saison de Johnny de A à Z et vous êtes à l'émission 584. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission Johnny de A à Z où on se remémore plein de souvenirs sur Johnny Hallyday, des concerts, que ce soit des albums de studio, que ce soit des émissions télé ou à la rigueur des émissions radio. Tiens, c'est ce qu'on va faire ce soir, justement. On va retrouver Johnny Hallyday à la télévision, à la radio également, en concert, en studio. Oh, on va tout retrouver, tout ça. Pourquoi ? Parce que l'album de la semaine aujourd'hui est l'album Quelque part un aigle. Cet album a été enregistré entre novembre et décembre 1981. Johnny est en studio à Los Angeles et à Paris pour enregistrer un nouvel album qui s'appellera Quelque part un aigle et sera dans les bacs le 5 février 1982. De nombreux éléments font de ce nouveau 33 tours un moment différent dans la carrière de l'artiste. Le réalisateur du projet, d'abord, est une tête relativement nouvelle dans l'entourage de l'idole Pierre Billon. Pierre Billon est le fils de la chanteuse Patachou. Billon ne se fera pas un nom en tant que chanteur, mais sera pour Sardou un auteur occasionnel et un authentique compagnon de route. En 1974, Michel Sardou et Johnny Hallyday font un bout de chemin ensemble, gala commun, vacances et virées entre copains, et Pierre Billon fait une timide apparition sur l'album Rock and Slow en tant que percussionniste. Et il est présent en tant qu'auteur sur l'album C'est la vie, où il avait réalisé deux titres, J'ai oublié de vivre et aussi Le cœur en deux. Ah oui, les années 82-84 sont dans la carrière de Johnny Hallyday incontestablement les années Billon. L'homme produit les spectacles et les disques, signe des textes de chansons. L'ère Billon marque la fin de la suprématie de Michel Mallory, le parolier des années 72 à 81, une décennie particulièrement brillante qui a ouvert l'idole au territoire country. Avec Billon, la définition de ce qu'est un disque de Johnny Hallyday change et c'est l'album Quelque part un aigle, souvent qualifié d'œuvre laboratoire, qui énonce les nouvelles tables de la loi. Le son d'abord, il est incontestablement rajeuni, même si les albums précédents, Plus détachés et pas faciles, avaient déjà fait une part de cheminement. Il faut dire que la musique rock internationale a connu de spectaculaires bouleversements ces dernières années et l'hypertrophie souvent lourde des groupes progressifs issus de l'époque hippie s'est substituée l'énergie brute et violente des punks anglais, eux-mêmes doublés par les jeunes intellos de ce qu'on appellera assez vite la New Wave. On va retrouver Johnny Hallyday tout au long de cette émission dans des émissions de radio, de télévision et voilà, ouais, et en concert également. Au cours de cette émission, Johnny présentera son nouvel album à la télévision, mais surtout au micro radiophonique de RTL et de RMC dans diverses émissions. Commençons par cette émission de Patrick Sabatier sur RTL en février 82. Johnny livre son album aux auditeurs la veille de sa sortie. C'était dans l'émission Une journée pas comme les autres. Chose due, votre invité jusqu'à 11h, aujourd'hui jeudi, c'est Johnny Hallyday. Alors Johnny Hallyday, merci d'avoir accepté notre invitation, c'est encore un nouveau disque. Bonjour. Est-ce que tu as compté, Johnny, le nombre de disques que tu as fait depuis que tu as commencé? Non, pas vraiment, non. Ça se compte par plusieurs dizaines, les 30 cm? Oh oui, je crois, oui. Oui, à raison de, bon, à raison de deux parents, et une époque où l'on faisait trois, disons une raison de deux par an, ça ferait déjà 40, ça ferait déjà une cinquantaine, quoi. Quand on fait un nouvel album, c'est parce qu'on sent qu'on a quelque chose à dire, Johnny? Pas obligatoirement, tu sais, là, il y a des chanteurs qui ont des choses à dire, puis il y a d'autres chanteurs qui ont de la musique à exprimer. Et là, c'est plutôt de la musique ou plutôt des paroles? Sur cet album-ci, c'est plutôt les deux. Alors, c'est signé Billon. Il y a également Bruno Victoire. C'est qui Bruno Victoire? Bruno Victoire, c'est un jeune musicien, guitariste, chanteur, qui vient de faire un disque également d'ailleurs en tant que chanteur, qui compose des chansons et qui fait partie, de l'équipe, en quelque sorte. Puis il y a un monsieur qui signe partout, ça commence par un H, ça Hallyday. Il signe partout, ça veut dire que tu participes à tout? Je participe dans les chansons, oui. Alors comment ça se passe le travail pour faire un disque? C'est-à-dire qu'on se voit d'abord, comme on l'a fait l'été dernier, on se voit d'abord dans une... on passe nos vacances ensemble. Il y en a un qui part sur une idée de musique, l'autre qui la termine, ou l'autre qui donne des idées, donc on change en cours de route, et puis tout ça, disons que c'est un boulot d'équipe, ce qui fait que... On termine une chanson, on commence une chanson et on la termine. Je crois que tu as travaillé ce disque dans la montagne, en Provence. Oui, au-dessus de Cannes, oui. C'est plus facile de travailler là où il y a du soleil pour toi? C'est-à-dire que c'est plus agréable surtout. C'est plus agréable de travailler au bord de la piscine. Parce que justement, de temps en temps, la piscine, elle compte pas davantage, non? Non, mais c'est bien parce que on est au bord de la piscine, on est relax. D'abord, on travaille quand on en a envie. Et puis, y a une bonne ambiance, je veux dire, ça se fait... c'est pas la peine de s'enfermer dans une pièce triste et froide, dans un pays froid, pour écrire de la musique, c'est pas la peine. Est-ce que toi... Tous les musiciens de reggae et tout ça, ils écrivent ça au soleil. Mais toi, tu préfères par exemple travailler vraiment au soleil ou attendre le soir, travailler plus la nuit? Non, j'aime bien travailler le soir en studio, par exemple. Mais... écrire une chanson, il n'y a pas d'heure. Hein. Ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi, ça peut être le soir. Je veux dire, écrire de la musique, c'est il faut être dans l'ambiance, il faut avoir envie. Il n'y a pas d'heure pour ça. On ne peut pas dire, tiens, il est 2h de l'après-midi, il est l'heure, il faut que je me mette à mon crayon avec une guitare et que j'écrive une chanson. Non, ça ne se fait pas comme ça. Alors, souvenir, parlons de La Caisse. C'est la première chanson. Est-ce que tu te souviens comment elle est née, cette chanson? Cette chanson est née au départ avec très peu de paroles. Pas beaucoup de musique non plus. Et un jour, et Pierre Billon, un jour, au bord de la piscine, il me prend ses guitares, il me dit, tiens, écoute ça, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, alors c'est comme ça qu'est débuté Ma Caisse. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Premier extrait de l'album de la semaine, La Caisse, de l'album Quelque part un aigle. Tu dois. invité jusqu'à 11h. Tout à l'heure, Johnny, on a écouté la caisse. Je voudrais faire entrer un petit peu les auditrices et les auditeurs de RTL dans la cuisine de la fabrication d'un disque, parce que ça a dû demander un mixage. Oui, parce que dans la cuisine, à cette heure-ci, c'est tout. Hein. Ah ben non, elle est normale. 10h15, 10h30, c'est bien. Alors, combien de temps a demandé ce titre de mixage? Mais je crois que Pierre, c'est surtout Pierre qui a mixé ce titre, enfin l'album en général. Je crois qu'il a dû mettre aux alentours de 3 jours, parce qu'il y a chaque couplet, il y a un écho différent si on écoute bien. Mmh. Bien sûr, il faut l'écouter sur une grande chaîne stéréo pour s'en rendre compte, parce que bon, mais. Tu t'occupes du mixage, toi, ou tu laisses faire complètement Pierre Billon et... Bah, c'est-à-dire que je laisse faire Pierre Billon dans la mesure où, quand ils ont un pré-mixage, disons que j'y mets mon grain de sel, quoi. Je dis si ça me plaît, ça me plaît pas. Alors, par exemple, pour la caisse, tu l'as enregistré combien de fois pour être toi-même content de toi? Je m'en rappelle plus. Pierre, elle a demandé combien de prises. Pierre est derrière nous. J'ai fait... Pas énormément, 3 ou 4 prises. 3 ou 4 prises. 3 ou 4 prises. Est-ce que c'est un petit peu ton habitude, ou est-ce que quelquefois des chansons te demandent encore plus de boulot? Oh, il y a une année où il y a un disque, je sais pas pourquoi, c'était peut-être pas en forme ce jour-là, j'ai mis 4 heures pour faire un titre. 4 heures pour faire un titre? Oui, 4 heures, c'est ce que ça représente de fois de refaire. C'était pour une chanson que j'avais chantée il y a longtemps, c'était... La nuit, quand revient la nuit, tout seul je m'ennuie. Ah oui, oui. Il y a longtemps, c'était quand j'étais parti au service militaire. Bon, j'avais la tête ailleurs, faut dire. Deuxième titre que l'on découvre dans cet album, là, c'est un slow. Sage pour vous. Sage pour vous, oui. Le titre exact, mais il était trop long, alors on a mis Sage pour vous, mais le titre, si on le met en entier, c'est Sage pour vous et mort pour moi. Je préparerai en douce dernière grande connerie. Avoir voulu leur faire l'amour, quand j'aurais jeté mon aventure à la poubelle et mes faux amis au retour, alors je serai sage pour vous. L'ombre d'un sexiste, un souvenir de rocker. Et quand sur les murs d'une ville triste, on ne verra plus mon cœur. Quand mes traits auront pris tant de lumière, qu'ils ressembleront à des posters. Et puis tu sais, quand j'aurai plus envie de faire taire, quand j'aurai plus besoin de faire peur, alors, oui, je serai sage pour vous, et mort pour moi. Johnny, mais je m'aperçois qu'on n'a pas encore donné le titre de l'album. C'est Quelque part un aigle. Quelque part un aigle, oui. Alors, ça demande quelques explications. Il n'y a pas de chanson dans l'album qui s'appelle comme ça. Oui, alors pourquoi? Ben parce que d'abord, il fallait bien trouver un nom à l'album, et puis et il faut dire qu'il... Bon, tu n'as pas vu la pochette, ça explique un petit peu la pochette aussi, qui est une espèce d'aigle qui se trouve posé sur une guitare cassée dans un désert avec ma tête dessus. Alors là, bon... Et quelque part, il a toujours un aigle. Nous sommes jeudi, tu as enregistré, je crois, dans deux endroits cet album, à Los Angeles. J'ai fait la plus grande partie à Los Angeles, et j'ai terminé l'album à Paris. Il y a combien de temps que tu l'as enregistré? Il y a de ça à peu près un mois. Alors, est-ce que tu redécouvres des chansons comme ça quand tu les écoutes, quand elles vont sortir chez les bons libraires, comme on dit? Ben, je suis en train de les redécouvrir pour la bonne raison, c'est que je vais en faire une grande partie sur scène, et maintenant il faut que je les apprenne par cœur. Parce que c'est vrai qu'il faut bien dire que quand on chante dans un studio, on n'est pas obligé de savoir par cœur ces chansons. Non, surtout que ce sont des chansons toutes nouvelles, je veux dire qu'on vient d'écrire, des fois on les a écrites, on vient de les finir, les écrire le matin pour les enregistrer le soir. Donc si tu veux, quand on les enregistre en studio, on les travaille en studio, on les répète en quelque sorte deux, trois fois, pour bien les avoir en main. Et la plupart du temps, bon, on lit les paroles en même temps que les chanter. Bon, quand on est star comme Johnny Hallyday, qu'on a, je sais pas, son actif, je vais dire n'importe quoi, 300, 400 chansons comme ça qu'on a interprétées, on en oublie combien au fil des années? 380. Ouais. Tu te souviens des 20 dernières? Mais tu sais, je me rappelle en général mieux des chansons des autres que des miennes. Je sais pas, par exemple, pour le pénitencier, tu connais? Oui, bien sûr. On retient la nuit encore? Oui, encore en partie. Lesquels tu te souviens? Je sais pas, là, comme ça, tu me poses une colle. Noir, c'est noir. Bon, tu l'as réenregistré. Donc, oui, Noir, c'est noir, il n'y a pas de problème. Je sais pas, moi, il y a des chansons que. Il y a même des chansons, des fois, que j'entends de moi, des anciennes chansons qu'on repasse comme ça de temps en temps. Je ne me rappelais même plus les avoir chantées. Tu dis, c'est moi, ça. Comment? Tu dis, c'est moi qui a chanté ça? Non, quand même pas. Tu te souviens de les avoir chantées, non? Quand même. Et des fois, je me dis, mais c'est pas, c'est moi. J'ai vraiment enregistré cette chanson. Je te jure, il y a des fois des chansons qui me sont complètement. Je ne me rappelle plus. Bon, on va écouter une chanson qui s'appelle L'Hosto. C'est pas vraiment gay? Si, c'est une chanson d'amour, mais spéciale. On l'écoute en version live. John Hallyday en 1982, lors de la tournée d'hiver de 82. C'était sur le parking, je crois que c'était un carrefour, un mammouth, à Vélizy, avec la radio RFM. J'ai écouté La Caisse, Sache pour vous, L'Hosto. Est-ce que ce disque, il t'apparaît, nous on a déjà une petite impression, mais est-ce qu'il t'apparaît comme une suite logique avec tout ce que t'as fait, ou plutôt un changement de style, de rythme? Non, tu sais, écoute-moi, on essaye de faire un disque un peu différent à chaque fois, pour essayer de ne pas faire le même disque. On sait pas, peut-être d'en faire un autre. Et disons que bon, il est peut-être un peu plus sophistiqué, il est peut-être un peu... On a soigné, disons, un peu plus les paroles, les chansons. Disons que on a essayé de faire des paroles qui correspondent un peu plus à notre époque, un peu plus à ce qu'on a envie, nous, de faire, et ce que pourront peut-être les gens ont envie d'entendre. parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que le langage d'aujourd'hui, enfin la façon de parler des gens n'est pas le même qu'il y a 15 ans, ou qu'il y a 10 ans, ou même qu'il y a 5 ans. Il y a des nouvelles expressions, il y a une nouvelle façon de parler. Est-ce que quelquefois, toi, si tu ne te forçais pas, tu aurais tendance à te sentir dépassé ? Non, pas du tout, non, parce que moi, je pense que le langage que j'ai vis dans la vie courante avec tout le monde est le même langage que tout le monde. Enfin, je crois qu'on est, sans même s'en rendre compte, je crois que tout le monde évolue avec le temps, avec le langage actuel. Justement, petite parenthèse, qu'est-ce qui te plaît en musique en 1982 ? Est-ce qu'il y a des groupes qui te séduisent en France ou à l'étranger ? Oh, moi, mais tu sais, moi, je suis assez fidèle. Moi, j'adore Bob Seger, j'adore Rod Stewart, j'aime les Rolling Stones, je regrette qu'on n'entende plus beaucoup ces Supertramp, parce que c'était un groupe que j'aimais bien. C'est vrai, puis qui marchait pas très fort au départ, et puis après, qui a rassemblé tout le monde. Éclaté, et puis là, depuis quelques temps, on les entend plus, c'est dommage. Alors, on va écouter une chanson qui s'appelle Mon Américain, moi, mais je vois qu'elle est signée Bouad, Eric Bouad. C'est un musicien, ça? Eric Bouad, c'est l'arrangeur qui a écrit. Non, parce que c'est, il faut dire, c'est pas une phrase. Je découvre des noms. Non, c'est-à-dire, c'est un texte de Philippe Labrou. Et je ne chante pas dessus, je parle. Et c'est sur chaque couplet, c'est sur un air folklorique des États-Unis. Donc, si tu veux, il n'y a pas de chanson. Eric Bouad, c'est lui qui est l'arrangeur, c'est lui qui a fait les arrangements de ce morceau. Hudson River jusqu'en Californie. Et dans ma mémoire, je conserve une silhouette qui bouge, celle d'une fille en jeans entre Nashville et Baton Rouge. Elle marchait en rêvant près du Mississippi. Amérique à moi, c'est jamais les gratte-ciels, ni les flics, ni les fusils, ni la drogue, ni le sang. C'est plutôt les enfants qui, sur leur vélo rouge, distribuent les journaux aux portes des maisons. Il y a des bouteilles de lait sur tous les paillassons. Un petit studio en Floride, dans la banlieue près d'Orlando. Avec trois guitaristes, deux batteurs, trois banjos, on avait enregistré une nouvelle version de Blue Suede Shoes sur un air paresseux et nonchalant de blues. Ouais, mon Amérique à moi. Mon Amérique à moi. Mon Amérique à moi est telle que je la rêve, telle que je l'ai vécue, et telle que vous l'avez vue dans les films noirs et blancs. La lumière était belle, et les figurants des westerns semblaient tout droit venus des albums illustrés signés Norman Rockwell. À moi et moi. modeste et tranquille. Elle me dit « Good morning » avec un grand sourire. Me sert du café chaud, des pommes à la vanille. M'invite pour passer Noël au Tennessee et pour faire du cheval dans la West Virginie. Amérique à moi, c'est toujours cette fille en jeans. Je ne sais pas pourquoi elle court dans ma mémoire. Il ne s'est pourtant rien passé entre nous. Pas d'histoire. Et quand j'ai voulu connaître comment on la nommait, elle m'a dit « Freedom ». Je crois bien qu'en français ça veut dire « Liberté ». Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Et on écoute aujourd'hui l'album de la semaine, Quelque part un aigle. Et Johnny est au micro des radios, des télévisions pour promouvoir son nouvel album, Quelque part un aigle. Et là, on le retrouve encore une fois donc, dans l'émission de Patrick Sabatier en février 82, donc le 4 février, dans l'émission Une journée, pas comme les autres. Dis-nous, Johnny, c'est comme ça l'Amérique ? C'est pas exactement, mais c'est comme ça, disons, que je la rêve. Alors, c'est comme ça que je pense que tout le monde qui n'a jamais été aux États-Unis, c'est comme ça qu'il la rêve. Je veux dire, dans l'idée, elle est comme ça. Les films noirs et blancs, les westerns, les albums illustrés, Norman Rockwell. Alors tiens, j'en profite pour faire un enchaînement. Les pommes à l'avenir, enfin tout ça. Dis-moi, Johnny aux États-Unis, quand t'as débarqué aux États-Unis pour la première fois, est-ce que tu t'en souviens d'abord? Et puis est-ce que t'as plutôt été déçu ou plutôt enthousiasmé? La première fois que j'étais aux États-Unis, d'abord, j'ai été à New York, ce qui représente mal les États-Unis, parce que c'est quand même très européen, New York. Alors j'étais un peu déçu, parce que moi je m'attendais pas à avoir des gratte-ciel, je m'attendais à avoir presque des cow-boys habillés en jean avec leur chapeau, tu vois. Mmh. Non, ils sont très citadins, ils sont comme à Paris. Toi. Montpellier, ça te plairait ? Montpellier, ben c'est une de mes villes préférées, j'y vais souvent. T'en as même fait je une ne chanson, rate jamais, quand je fais une tournée, je rate jamais l'occasion d'y aller. Alors, cette chanson, elle raconte un peu la ville ? Non, c'est un petit hommage que j'ai fait à Montpellier. C'est une chanson un peu différente des autres. Disons que, comme c'est souvent l'occasion de passer à Montpellier, elle commence à Montpellier. Comment on appelle les habitants de Montpellier ? Des Montpellier. Ça veut dire un ? Non, je sais pas. Comment on dit ? Des Montpellier. Ah, tu me poses une carte. Non, mais enfin, en tout cas, c'est pour vous. Hein. Des Montpellier. On retrouve une fois de plus Johnny Hallyday en live à Vélizy en 1982 avec ce titre Montpellier. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il est tôt pour chanter? Vous êtes en forme? Romain? Romain, vous chantez une chanson? Une nouvelle chanson? Qui, depuis que je la chante, me crée quelques petits problèmes? Sur la route, avec messieurs les flics. Hier j'ai pris le 130 à Montpellier. J'ai souri au radar photographié. Les flics m'ont dit Johnny tout de même. Mais y'a donc personne que tu aimes. On dirait que tu veux tuer. Moi ça m'a fait marrer. 4 heures après dans un bar à Paris, une fille m'a dit tu m'offres un whisky. Pour les chanteurs c'est trop facile. Qu'ils m'ont dit les 4 heures débiles. Ta gueule on va te la casser. Moi ça m'a fait marrer. Je suis comme ça. C'est un ange en danger, ouais. Le doc m'a dit toc toc à 150. Ton cœur devrait se faire pote avec une ambulance. En force de battre à ce tempo, il va te claquer dans la peau. Un jour tu vas craquer, moi ça m'a fait marrer. Je suis pas du genre micro, bravo dodo. J'aime bien terminer tard mon numéro. Je vais jusqu'au bout de la nuit, parfois jusqu'au bout de l'ennui. Et quand je veux m'engueuler, moi je me fais marrer. Je suis comme ça, je peux pas me changer. Une pierre qui va, un ange en danger. J'fais de la cordonnade sur la vie. Un bras de fer avec l'envie. Le mot tranquillité est étranger. Oui, je vis en sursis d'un ange en danger. Ouais. Hier j'ai pris le 130 à Vélizy. Le sourire au radar, photographié. Les flics m'ont dit Johnny tout de même. Mais y'a donc personne que tu aimes. On dirait que tu veux tuer. Moi ça m'a fait marrer. Mais je suis comme ça. J'peux pas me changer. Une pierre qui va. Un ange en danger. Je vis en sursis d'un ange en danger. Oh ouais. Sera à Lille, le 25 février à Charleroi, le 26 à Liège, le 27 à Bruxelles, il y restera d'ailleurs également le 28. Puis d'ailleurs, non, si vous voulez en savoir plus, vous savez ce que je vous propose, vous appelez immédiatement le 720-2211, comme ça on va vous donner les villes de la tournée de Johnny au mois de février et puis au mois de mars. Je suis sûr qu'il passe chez vous, en tout cas tout près de chez vous. On vient de recevoir la pochette. Ouais. On vient de recevoir la pochette tout à l'heure, on disait qu'on ne savait pas vraiment pourquoi quelque part un aigle, maintenant on le sait. Voilà, mais c'est pas facile à expliquer. C'est pas facile, non. Non, je crois que il faut quand même dire que à la place de la tête de l'aigle, il y a la tête de Johnny. Mm-hmm. Et c'est une pochette qui est signée Jean-Claude Haze. Hein? Oui. Et elle est superbe. Je sais pas, est-ce que tu as des choses à dire en plus dessus? Ben, je crois. T'es que content, ça... tu viens de la découvrir? Oui, non, mais oui. Enfin, je la connaissais quand même. Un petit peu. Mais je crois qu'elle représente, bien l'esprit de l'album. Ouais, qui prend l'aigle, qui prend entre ses pattes et ses griffes la guitare. Cassée, bien sûr. Cassée. On suppose que c'est lui qui l'a cassée. Cure de blues, alors c'est un Hallyday classique ou alors c'est complètement autre chose? Non, c'est une chanson, oui, ça se rapproche un peu plus du classique, mais disons que c'est clin d'œil, quoi. Je n'ai jamais bu d'eau, ou je ne m'en souviens pas. On me l'a pas présenté, mon foie connaît pas. J'ai pas besoin de docteur, de pile sous. côté de mes shoes, je me fais une cure de blues. Ce que je me mets dans les bronches, je ne regarde que moi. Je suis désolé, mais mes bronches ne bronchent pas. J'ai pas besoin d'air pur, de repos devant tous, quand je marche à côté de mes shoes. Oui, quand je marche à côté de mes shoes, je me fais une cure de blues. À côté de mes shoes, je fais une cure de rock'n'roll blues. Je fume autant que les hauts fourneaux du Creusot, mais y'a toujours quelqu'un pour finir mes mégots. Et y'a toujours un escroc ou une fille qui me blouse, qui marche sur mes shoes. Et quand je marche à côté de mes shoes, je me fais une cure de blues. À côté de mes shoes, je me fais une cure de rock'n'roll blues. Il m'arrive parfois d'avoir les oreilles qui prennent l'eau, de m'envoyer la pub qui passe à la radio. J'ai pas besoin de leur truc livré en paquet 12, quand je marche à côté de mes shoes. Oh, quand je marche à côté de mes shoes, je me fais une cure de blues. Quand sexuellement parlant, je suis un peu déprimé, les fantasmes en lambeaux et le corps épuisé. Pas besoin d'infirmière toute nue sous sa blouse, quand je marche à côté de mes shoes. Quand je marche à côté de mes shoes, je me fais une cure de blues. Je me fais une cure de blues, de rock et puis de blues. Oui, quand je marche à côté de mes shoes, je me fais une cure de rock et roll blues. Me fait une cure de rock and roll blues. Quand je marche à côté de mes shoes, je me fais une cure de rock and roll blues. Cure de blues. Paroles et musique de Michel Mallory avec la participation de Johnny Hallyday à la musique également. Tout à une fin, Johnny. On a encore une chanson à écouter parmi les 9 qui font partie de ce nouvel album. On en aura écouté en tout 7. On n'a pas parlé vraiment des musiciens. Les musiciens pour cet album, tu les as recrutés comment? Oh bien, on les a recrutés aux États-Unis en partie. Et puis, l'équipe qui travaille avec moi a travaillé dessus. Il y a Paulo Victoire donc à la guitare. Attends, que je regarde parce que il y en a pas mal quand même qui ont travaillé sur certaines chansons et pas d'autres. George Doering, Bill Fowler, Eric Boad, Slimou, qui est Slim, Bono Victoire, José Souk, Steve Maston, Eric Boad toujours, il y a Pierre Billon, enfin bon, il y en a plein. Ah, toute l'équipe habituelle. Ouais. Décalage horaire, tu peux nous en dire deux mots? Décalage horaire, je crois que ma vie est un décalage horaire, alors on a décidé d'en faire une chanson, tout simplement. Bon, ça va là, regarde, il n'est pas encore tout à fait 11h, qu'est-ce que tu vas faire de ta journée aujourd'hui, jeudi? Aujourd'hui? Oh, je vais sans doute aller faire du sport. Bon, très bien, toujours la forme, t'es toujours très bronzé en ce moment. Hein. Oui, tu sais, je fréquente les mêmes endroits que toi, je crois que... Oui, d'accord, moi je suis un peu palichon aussi, j'y vais pas tous les jours. Salut Johnny. Je suis en retard. Ah. mes valises pèsent aussi lourd qu'un aérogare. Choisis plus été, hiver, fromage, dessert. Ma montre a flippé et ses aiguilles se sont plantées. Un amour à Vancouver, une fille moto m'a découvert dans le désert. Une brune à Shanghai, oui, sous son chandail. C'est ça en flippé, c'était minuit dans mon grenier. Trinité. C'était Johnny Hallyday qui venait vous présenter sur RTL ses chansons. Je te remercie d'être venu. Eh bien, c'était un petit bon bras, un plaisir bien matinal. Oui, bah, excuse-moi de t'avoir dérangé. Mais pas du tout. Non, non, mais c'est promis, maintenant, ce sera beaucoup plus tard. D'accord. Salut Johnny. Bonsoir. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, ici sur RIG, donc 90.7, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Et c'est une nouvelle fois sur RTL où Johnny démarre sa campagne promotionnelle le jour même de la sortie de son disque dans l'émission La Grande Parade, animée par Michel Drucker, qui l'émission fête sa 1000e émission au Lido. On écoute Johnny Hallyday avec le titre « J'en ai marre ». Allô. Et un jour plus tard, le 6 février 82, donc Johnny assure toujours la promo de l'album, quelque part annexe, dans l'émission de Michel Drucker, Champs-Élysées sur Antenne 2. Et on le retrouve en duo avec Claire Dasta, une jeune chanteuse dont il était le parrain. Elle n'a pas fait grand succès. Et il chantait en duo « J'ai pleuré sur ma guitare ». C'est maintenant Johnny. Avec ses musiciens et avec les ballets de Jean Guélis, nous allons terminer avec toute la musique que j'aime. Ben ça sera pour une prochaine fois. Voilà. Le 19 février, Johnny se produit pour la première fois dans une prison française à Fleury-Mérogis. Son auditoire étant limité à 300 personnes, matons et éducateurs compris, il donne 3 représentations d'affilée afin de satisfaire le maximum de détenus. Un grand moment d'émotion pour le chanteur et l'événement est diffusé à la télévision. Alors on voulait te demander pourquoi tu étais venu ici, si c'était un truc de pub ou si vraiment tu venais ici en mettant, je sais pas moi, ta pêche quoi. Bah, je suis venu ici parce que d'abord ça fait pas mal de temps que j'essaye de chanter dans les prisons. Pas du tout pour la publicité, parce qu'il n'y en a pas. Et simplement parce que j'avais envie de le faire, parce que j'ai pas mal de copains moi qui sont en prison. Que moi-même, si j'avais pas eu la chanson, j'aurais peut-être pu m'y retrouver un jour. Et puisque je pense que les distractions doivent pas être tellement fréquentes, je me suis dit que c'est peut-être pour le temps qu'il reste à faire aux gars dans les pénitenciers. Disons que c'est une heure d'oubli, quoi. C'est un peu une évasion, en quelque sorte. On est là pour oublier pendant quelques temps qu'on est ici. Alors on est là pour se marrer, surtout. Alors nous avons la permission de taper dans nos mains et de faire ce qu'on a plus ou moins ce qu'on a envie de faire, d'accord ? Johnny fait la promo de son album, nouvel album, quelque part un aigle, dans l'émission sur TF1, Formule 1 plus 1, diffusée le 14 mai 1982. Cette émission a une grande importance dans la vie personnelle du chanteur, puisqu'il rencontrera dans cette émission Nathalie Baye, avec laquelle il joue un sketch écrit par Phil Plabro, Quoi de neuf, ma jolie. Juste avant, on écoute un petit peu, on va dire, la promo de cette émission, et après on écoutera justement ce petit sketch. Ce soir, Johnny Hallyday est l'invité des Carpentiers. Nous y découvrirons sa dernière chanson, comme celle-ci, La Caisse. Les jeunes caisses qui traînent à 80 moyennes. Cette chanson est extraite de son dernier album, mais déjà, Johnny pense à son prochain disque. Je pars demain pour réserver les studios. Et donc j'enregistre tout le mois de juillet. Il n'y en a pas besoin, quoi. Ah bon? Oui, mais c'est inquiétant, même d'ailleurs. Ah ouais, un peu, oui. Non, ben là, il va falloir qu'on les fasse. Hein. On est en train de travailler dessus. J'ai mis toute mon équipe dessus. Là, il faut que je m'y mette, là. Il faut que je prenne la guitare et puis je me mette. On se trouvait, on s'attendait et on s'aimait. C'était bien plus que de l'amour la première fois. Le prochain que je vais faire, là je change encore du studio, puisque cette fois-ci je vais en Floride. Je pense que le prochain on va le faire avec des cuivres. J'aurai sans doute des cuivres à mon prochain Palais des Sports en septembre. Cet automne sera chaud au Palais des Sports. Angoisse, amour, horreur, c'est le programme promis par Johnny Hallyday. Il paraît même qu'il y aura des bagarres à l'arrache. De quoi faire tomber plus d'une tête. En 20 ans, Johnny ne s'est jamais arrêté. En vrai professionnel, il sait s'adapter et bouger. Si je change, donc, c'est parce que j'essaye d'avoir un son différent, avec des arrangeurs différents à chaque fois. Je crois que la musique, elle évolue. Évidemment, le rock'n'roll existe toujours aujourd'hui, mais le rock'n'roll d'aujourd'hui n'est pas exactement le même d'il y a 20 ou 25 ans. Tu cries pour qui? Tu cries pourquoi? Tu vois donc pas que tu dois. Je tiens à dire qu'on a, c'est une émission qu'on a entièrement tournée en direct et pas en playback. En dehors du fait de ne pas tricher, je crois que quand on est chanteur, et qu'on fait ça comme métier, qu'on chante comme métier, je veux dire, on se doit de chanter en vrai, de pas de faire semblant. Ce soir, aux côtés de Johnny Hallyday, nous retrouverons son vieux complice Eddie Mitchell, avec qui il chantera un duo, mais aussi Sacha Distel, Mort Schumann, la comédienne Nathalie Baye et la québécoise Diane Tell. J'ai prévenu ta femme, jeune Philippe. Elle saute dans un taxi. Elle a tout de suite voulu savoir pourquoi, quand t'es sorti de prison, tu n'es pas venu chez elle. Enfin, chez toi. Et alors? Alors j'ai dit ce que tu m'avais dit. T'avais préféré venir tout de suite ici, au bureau. T'es une chiquée, Evie. Ça va te faire drôle de retrouver tout ça. Mais j'ai touché à rien. Le temps qui arrive, jeune Philippe. Bonsoir, Philippe. Il est là? Oui. Salut, ma jolie. Mon pauvre Johnny. 50 pénitenciers. C'était dur. J'ai si souvent pensé à toi. Au sacrifice que t'as fait pour me couvrir. Tout prendre sur ton dos. T'as été formidable, Johnny. Comment jamais pourrais-je te remercier? Seulement, tu sais, mon amour, c'est difficile de rester seule pour une femme sans défense. Comme moi. Alors, tu ne seras pas surpris si je t'apprends qu'il y a eu des petits changements dans nos existences. Par exemple? Par exemple, ton ancien associé de l'autre côté de la rue, Eddie. Il a été formidable au début de ton emprisonnement. J'étais si seule, si paumée. Peu à peu, que veux-tu, tu ne me donnais jamais de tes nouvelles. Eddie était si gentil. Je me suis mise à vivre avec lui. Je peux comprendre, t'as les idées larges. Très large, oui. Une chose en entraînant une autre, on a eu un enfant. Je préférais que tu l'ignores pour pas te blesser à distance. Mais par délicatesse, je lui ai donné ton prénom. John. Je pensais que tu serais sensible à geste. Ah, très sensible, oui. Tu étais obligé de vendre ton appartement, petit. Et comme il te restait quelques dollars à ton compte, j'ai acheté une maison sur Sycamore Hill. Le petit John se sentait un peu seul, alors on lui a fait un petit frère. Je l'ai appelé Philippe. Ton second prénom. C'est normal. Tu dis rien, Johnny. Ça va? Tout va bien. Continue, ma jolie. Tout se passait à peu près normalement. C'est-à-dire que tu me manquais toujours autant. L'ennui, c'est que les affaires d'Eddie n'ont pas bien marché. Tu étais obligé de vendre ta voiture, la Studebaker Lux 37. Et puis, il y avait dans ton portefeuille des actions de la mine d'or du Montana et mon conseiller financier m'a suggéré de les réaliser parce que la bourse en ce moment, tu sais. Bref, une chose en entraînant une autre, on a décidé de changer d'air. Nous nous sommes installés dans ta maison de campagne du lac Tao avec les gosses. Et là, Eddie invitait tout le temps ses amis, des vandales. Ils salissaient le jardin, cassaient tout. Emportait tes raquettes de tennis, les rendait pas. Pareil pour tes chemises, elles ont disparu. Ils ont tellement gâché notre vie que Lydie m'a suggéré de vendre la villa. Et le lendemain, le salaud, il a disparu. Il est parti à Saint-Louis avec les gosses. Ils m'ont laissé toute seule. Sans un sou. Perdue. En fait, mon chéri, je suis libre à nouveau. Libre pour toi. On va reprendre dans l'ordre, si tu veux bien. Il y a 5 ans, tu tues ton premier mari. Je décide de tout prendre à mon compte. Je vais en tôle. Tu ne me donnes aucune nouvelle. Ça va. Tu couches avec mon ex-associé. D'accord. Il te fait un enfant, et puis un autre. Je veux bien, ok. Tu vends tout ce qui m'appartient, parfait. L'appartement, la voiture, les actions en bourse. Jusqu'ici, ça va. Tu envahis la villa du lac Tao. Bon, elle brûle pas, mais c'est tout comme. Tu es ruiné, abandonné. Bien. Et dis, fais la malle, bon. Mais il y a un truc que j'entends au passage. Une chose en entraînant une autre, comme tu dis si bien. J'ai cru entendre que les amis d'Eddie avaient emporté mes chemises. Oui? Oui? Tu veux dire mes 130 chemises? On parle bien de ça. Celles qui occupaient 2 placards de la villa. Oui? Mes chemises faites sur mesure par mon chemisier anglais de Warmtree et Ashburn de Chicago. Oui? Celles que je commandais par série de 12. Oui, John, oui. Alors tu vois, là, je suis pas d'accord. Il y a une limite à tout. Adieu, ma jolie. Je prends compte des filles, mes chemises. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Appelle donc le lieutenant Holmes. Bernie Holmes. Du commissariat central. Il comprendra. On avait le même chemisier. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve à nouveau Johnny Hallyday à Vélizy en 1982 avec ce tour de chant. Du 21 mars et ce titre « Si j'étais un charpentier ». Si j'étais un charpentier, ce qui t'appelait Marie, aurais-tu alors m'épouser, porter notre enfant? Ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi. Je l'aurais construite pour toi, seul avec mes mains. sache être forte. Quand notre fils sera un homme, il aura beaucoup à faire. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, oh, mes mains seraient sèches et dures, elles tiennent si fragiles. À les hommes et leur colère, viendrait la nuit pour tuer. Oui, nous fuirions dans le désert, cacher le nouveau-né. Ouais. T'appeler Marie, voulais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Voulais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Le dimanche 21 mars 1982, la tournée d'hiver s'achève à Vélizy, en région parisienne, par un gala exceptionnel patronné par RFM et animé par l'ami Sam Bernet. Y participent également Nicolas Perrac, Alain Souchon et Daniel Balavoine. Sam Bernet disait à ce sujet: « Quand on a créé RFM alors qu'on éprouvait de grosses difficultés financières, Johnny a décidé de faire un concert sur le parking de Vélizy et d'en offrir la recette pour la station. 10 000 personnes sont venues. Lui et ses musiciens y ont participé gratuitement. » À présent, je vais vous présenter Johnny Hallyday lors d'une émission en février 82 sur RMC. Il participait à l'émission Chaud les cœurs, animée par Jacques Pessy, Guy Montagnier et José Sacré. Il jouera le jeu de répondre aux questions des animateurs et participera également à un sketch. Et voici quand entre tel un gladiateur dans le studio. Mesdames, messieurs, celui que l'on attendait. Mesdames, messieurs, voici Johnny Hallyday. Quel délire! Bonjour Johnny. Bonjour Johnny. Il y a Guy Montagnier, il y a Pierre Billon qui est là. La chaise de Johnny l'attend. Georges Rabol au piano. Johnny salue tout le monde. Asseyez-vous. Asseyez-vous Johnny, vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu à Chaud les cœurs. Merci de vous être levé tôt, merci d'être là. Et merci de répondre à toutes nos questions un petit peu farfelues qu'on va vous poser. Je vous signale que vous avez déjà répondu. Vous avez déjà répondu à quelques questions indirectement parce qu'on avait fait un montage ignoble. Je vous repasserai ça après. C'est vrai, je n'ai jamais entendu, heureusement pour vous. On a pris nos précautions. Alors, je crois qu'on va tout de suite commencer, Guy. Parce que vas-y, mon grand, vas-y. On commence par les 6 points dans la figure. Attends-lui les 6 points. Alors, Johnny, comme d'habitude, j'ai interrogé vos proches. Ils m'ont dit des tas de choses sur vous et moi, je me contente de répéter, comme à chaque fois. Ouais. D'abord, j'ai appris, Johnny, que vous abusez de l'eau. On vous a vu une nuit entière boire des litres et des litres d'eau. Mais ce n'était pas dans une boîte de nuit qu'on vous a vu boire de l'eau, c'était dans votre chambre, à cause d'un humidificateur qui ne marchait pas, à cause d'un problème de radiateur. Exact. Exact. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est-à-dire que il fait trop chaud chez moi. Oui. Et alors, donc, j'ai acheté un humidificateur d'eau pour que ce soit un peu moins sec, disons, un peu moins chaud. Et puis, bon, ça marchait pas, ça marche jamais. Enfin, bon, alors, c'est moi qui ne sais pas les faire marcher. Très bien. Vous avez aussi changé dans votre vie les voitures. C'est-à-dire que vous avez remplacé vos grosses voitures par des plus petites, maintenant. C'est mieux vu par les impôts. Et puis, des témoins qui ne sont pas très très gentils avec vous m'ont dit, une petite voiture, c'est plus facile à sortir du fossé qu'une grosse. C'est surtout plus facile à garer, oui. Vous avez aussi passé 2 lampes en fraude, paraît-il, en revenant de Los Angeles. Absolument pas, non, j'ai oublié de les déclarer, c'est tout. Ah bon? Enfin, médisant. Bon. Vous pouvez l'insulter, hein, Johnny, vous pouvez l'insulter, parce qu'il adore ça. D'habitude, toutes les vedettes qui passent ici l'insultent, lui tapent dessus, etc. On peut y aller, on peut y aller. Non, je sais que Johnny fait pas... Non, mais ça, c'est pour tout à l'heure. Johnny offre ce qu'il possède à tout le monde, il est très gentil, mais en revanche, il vole aussi à autrui. Il peut donner ses bottes, son ceinturon... Mais en revanche, je sais qu'il vole les blousons des autres. Il en prend un blouson et puis il oublie de le rendre. Non, pas du tout, non, je... À qui il est, celui-là? À qui il est, celui-là? Celui-là, il est à moi, maintenant. Celui-là était à Pierre Billon, mais il lui allait pas bien. Voilà. C'est systématique, vous oubliez comme ça. Oh, c'est pas grave, un blouson, tant que c'est un blouson. Bien sûr. En revanche... Moi, ce que j'aime bien, c'est voler des disques aussi. Planquer les disques. Demandez à Eddie Mitchell, il vous dira. Il n'en reste plus du tout chez lui. Si, si. Mais Corbino aussi, il est pas mal dans le genre. D'accord. Vous obligez aussi tous ceux que vous aimez à porter des boucles d'oreilles. Vous leur faites percer les oreilles, vous leur offrez des boucles d'oreilles. C'est pas vrai. Ah. Ah non, c'est pas vrai. Il y en a qu'un qui a résisté jusqu'à non, maintenant. Non, moi je me suis fait avoir, moi, une fois, mais... Par qui? Au Porco. C'est une vieille histoire, ça. Mais quand même, dès que vous offrez des boucles d'oreilles à ceux que vous aimez, même les hommes. Surtout aux hommes. Ah bah oui, autant que possible. Et puis, déjà, une boucle d'oreille, c'est masculin, c'est beaucoup plus masculin que féminin. Ça dépend qui la porte, non? Oui, exactement. Et si je veux que tu mettes une boucle d'oreille dedans. Vous nous voyez, Guy Montagnier et moi, avec des boucles d'oreilles? Parfaitement. Ouais. Je vous en offrirai une, d'ailleurs. Ah, à peu près. Il faut que je me fasse percer l'oreille. Dans la gauche, parce que la droite, c'est mal vu. Hein. D'accord. Ah, d'accord. Vous avez aussi un don d'imitateur, Johnny Hallyday. Lorsque vous répondez au téléphone à vos amis, vous prenez l'accent arabe, l'accent japonais ou des petites voix. En japonais, j'y arrive pas très bien encore. Une fois allé seulement, qui a l'appareil, ça se sait faire. Mais alors c'est bonjour. Non mais ça dépend. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent chez moi. La plupart du temps, des gens à qui j'ai pas envie de parler. Alors en général, c'est mon percepteur, c'est bon. Alors non, il n'est pas là. C'est de la part de qui? Et puis il y a un problème, c'est avec l'espagnol, car vous parlez espagnol avec l'accent américain. Non, c'est pas ça. C'est que surtout je comprends pas, je ne parle pas espagnol du tout, surtout. Et vous chantez en espagnol? Oui, mais ça, ça n'a rien à voir, ça. On peut chanter et pas parler. Bien sûr. Iglesias, il chante bien en français. Et Johnny est là. Johnny, il va nous chanter maintenant un extrait de son nouvel album. Et comble du paradoxe, il a enregistré à Los Angeles une chanson qui s'appelle Montpellier. Johnny Hallyday. C'est pas Montpellier qu'on va écouter. Non, non, c'est pas Montpellier, c'est Mercredi Matin. C'est une musique de Mort Schumann. J'ai rêvé la nuit dernière que je me baladais dans les champs. Le ciel était couleur argent. Je crois qu'il y avait une rivière. Je suis entré dans une forêt. C'était joli, les peupliers. Quelque part, une feuille est tombée. Et Samy m'a secoué parce que je ronflais. peuplier. Mercredi, les gosses vont me visiter. Il faut avoir la santé. Enfin, façon de parler. Parfois je me joue le coup du tunnel, la lime à ongles sans mettre sa presse. Mais je suis con en Edmond Dantès. Et ma fille de l'air bat de l'air. Alors je me jette sur des pages blanches, un best-seller de la du croustillant de la violence. Et puis je m'en fous d'écrire, s'amuser, pâlir, plus cribouiller. Mercredi, on va voir la télé. Ouais, faut avoir la santé. Enfin, façon de parler. Ici, il y a des questions à ne jamais poser. Du genre, Samy, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ici, il y a des parfums à ne pas se rappeler. Samy, si t'avais vu son sourire. Ici, il y a certains mots à ne pas prononcer. Samy, je me ferai bien un café. Calva, dans un certain café tabac au coin de la rue des Martyrs. J'ai rêvé la nuit dernière qu'elle dormait contre mon épaule. Complètement nue, elle était drôle. Appliquée comme une prière. J'ai posé mes mains sur son cou. Je voulais que le temps s'arrête. J'ai serré un peu trop de tête. Et Samy gentiment m'a réveillé. C'est terminé. Mercredi qui dure 30 années, faut avoir la santé. Enfin, façon de parler. Johnny Hallyday. Dans le répertoire de Johnny Hallyday, vous le connaissez toutes et tous. Et puis, il y a dans ses chansons qu'il chante chez lui pour des amis, une œuvre qui a été créée par Claude François, Guy, ouais. Et ensuite reprise aux États-Unis, un standard My Way. Et Johnny, je sais que de temps en temps, vous aimez chanter My Way. Là, Johnny est en train de répéter. Il a repris les paroles. Vous me prenez au dépourvu, là. Ah bah oui, parce qu'en fait, Johnny, vous n'avez pas tellement été prévenu, cette histoire-là. Parce que vous aimez ce verre-là, mais... On va essayer, Georges Rabol est au piano, et on va essayer pour vous, et parce que Johnny vous aime beaucoup et nous aime beaucoup, de chanter My Way. Johnny Hallyday. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I'll stay my case, of which I'm certain. I believe a life that's full, I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, But then again, too few to mention. I did what I had to do, and so were true without exception. I planned each shadow course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yeah, there were times, I'm sure you knew, when I beat off more than I could chew. But to it all, while what there was doubt, I ended up and beat it out. I failed at all, as to be told, and did it my way. C'est tout de même un exploit. Pour un chanteur de chanter à 11h30, à midi bientôt, le matin, Johnny. Oui, surtout si je ne connais pas les paroles. Oui, c'est quand même merveilleux. Moi, je serais capable de faire ça. Ce n'est pas mon métier, évidemment. C'est une chanson qui vous tient à cœur, Johnny. C'est une chanson que vous appréciez. C'est-à-dire que cette chanson, je l'ai... Je m'entends plus, on n'entend plus rien, là. Si, ça marche très bien. Je suis sourd. Comment ? Cette chanson, d'abord, j'ai beaucoup aimé cette chanson quand Claude François l'avait chantée. Et puis ensuite, elle avait été reprise par Sinatra, par Elvis Presley, enfin bon, par plein de chanteurs anglais et américains. Et c'est une chose que j'aurais aimé chanter moi-même, d'ailleurs. Ça viendra peut-être ? Oui, un jour, peut-être. Voilà, ça a été fait, quand même. Ça a été fait pour magistralement, quand même. Non, je veux dire, en disque, un jour, j'aimerais bien la faire. C'est une belle chanson, j'aime bien. Je suis sûr que ça viendra un jour et ça réjouira tous vos fans. En tout cas, Johnny, lui, continue à défendre le rock'n'roll. Alors, vous allez dans quelques jours partir en tournée avec un nouvel orchestre. Et ces musiciens, cette fois-ci, vous les avez trouvés en France. Oui, dans le midi de la France. Du côté de Toulouse. Oui. C'est curieux, il y a plein de musiciens qu'on commence à découvrir du côté de Toulouse depuis quelques années. C'est tombé comme ça parce que, bon, je travaille avec des gens qui travaillent dans le midi de la France. Mais... il y a des bons groupes aussi dans le nord de la France, je dois le dire. J'ai entendu de bons groupes quand j'étais en tournée l'année dernière dans les environs de Lille, par là. Et j'ai entendu de bons groupes de rock'n'roll. Alors ces musiciens, vous répétez avec eux tous les après-midi. Vous prenez le temps chaque matin, sauf aujourd'hui bien sûr, de continuer à faire de la gymnastique. Ça marche bien de ce côté-là. Ce matin, j'ai pas pu en faire. Non. Non, mais sinon, tout le monde a cru quand vous avez commencé il y a quelques mois que ça durerait 3 semaines, puis ça marche bien. Oui, ça va, ça me plaît bien. Vous avez une salle chez vous, finalement, ou non? J'ai une salle chez moi, oui, mais chez moi, j'en fais pour ainsi dire jamais, parce que c'est bien d'en faire une salle où il y a d'autres gens qui en font, parce que ça stimule. Oui, ça stimule un peu plus, quoi. Vous aviez l'intention d'ouvrir une salle de gymnastique aussi? Oh oui, c'est des projets, ça. Pourquoi faire... pour que tout le monde en profite, avec des méthodes spéciales? Oui, avec la méthode qui est un peu spéciale, qui est la méthode américaine, qui s'appelle le bodybuilding, qui est proche de la française, mais enfin disons que la façon de travailler est un peu différente. On travaille sur de la musique, il y a des choses, il y a des appareils qui n'existent pas en France, que j'aimerais bien faire venir des États-Unis. Quel genre d'appareil, par exemple? Bon, t'as un appareil, c'est compliqué à vous expliquer, mais disons que soulever des poids, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde. Disons que là-bas, ils ont beaucoup moins de poids à lever qui sont... disons, tous les poids là-bas sont attachés à une espèce de poids, de chaîne et de corde, de façon à ce que chaque appareil serve à travailler spécialement une partie du corps, bien spécialement. Ah oui. C'est-à-dire qu'en général, en France, on travaille un petit peu tout le corps en entier. Oui, c'est ça, oui. Alors que là, bon, un jour, ils travaillent les épaules, un jour, ils travaillent les bras, un jour, ils travaillent les cuisses, mais ils ne travaillent pas tout le même jour. D'accord, mais vaut mieux se reposer un petit peu. Vous avez aussi enregistré, Johnny Hallyday, d'anciennes chansons dans de nouvelles versions. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand j'ai fait au cours de mes tournées, on m'a toujours demandé pourquoi je ne faisais pas mes anciennes chansons. Mais un jour, je me suis décidé à les refaire. Oui, et c'est agréable de retrouver d'anciennes chansons, ça rappelle des souvenirs? Oui, non seulement ça, puis ça me permet de ne pas les apprendre, je les connais déjà, ça. Alors, on va entendre Johnny Hallyday dans l'une de ses anciennes chansons. Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps, tu ferais mieux de travailler. un peu les filles. Et vous pensez à ces conseils, à la fenêtre je m'émerveille. Et je regarde passer ces demoiselles pendant que ma mère crie plus belle. Oh, laisse les filles, oh, oui, laisse les filles. Tu as bien le temps d'avoir des milliers d'envêtements, crois-moi. Oui, laisse donc un peu les filles. Avec ton de hier au soir, devant le tubac près du bar, on dansait avec la gaieté. Les filles, allez, allez. Ouh, c'est pas mauvais. Heureusement pauvre de moi, pour me souvenir chez mon papa. Johnny réenregistre du 19 au 30 mars les 34 titres Vogue au Studio des Dames pour un projet d'intégrale discographique chez Philips. Ce coffret s'appelle Le Cube. Et Johnny disait à ce sujet, dans la dernière Idole de Serge Loupien, de toute façon je préfère que les gens écoutent ce que j'ai réenregistré parce que même en gardant les intonations et la voix de l'époque, je chante quand même un peu plus juste maintenant. J'ai bien écouté les vieux disques et je me demande comment ça a marché. Il y en a un, c'est vraiment faux, je n'avais pas mué à ce moment-là. Voilà. On retrouve John Hallyday dans l'émission Show les cœurs sur RMC, émission présentée par Jacques Pessy, Guy Montagnier et José Sacré. Et Johnny va participer maintenant au fameux sketch. Et voici un grand moment de radio, rare et exceptionnel, totalement réalisé en direct, à l'est des Baines. 28e épisode de notre grand feuilleton romantique et odorant, parfumé à la lavande. Ah bah non, il me reste encore une bouteille de violette. Allez, un petit coup de violette. Avec aujourd'hui, Johnny Hallyday dans le rôle du camionneur goinfre. Il arrive parfois que l'amour pousse un être humain à des extrémités indignes et innommables. Afin de fuir la troupe des boueurs vénitiens qu'ils ont offensés maladroitement, Jacques Pessinette et Guy Montadebout se sont déguisés en araignées en s'entortillant dans du boudin noir volé sur un buffet du carnaval de Venise. Puis, grâce au comte Casanova de Choc, dit Casa de Choc pour les intimes, nos deux héros se sont cachés dans le char du roi carnaval qui doit remonter sur Nice. Un tel stratagème ne pouvait que réussir. Rejoignons donc les deux éboueurs araignées au moment où un chauffeur baraqué grimpe dans la cabine du char carnavalesque. Ça y est, on part. Avant-êtes-vous. Je vais revoir sa troupougnole. C'est le pays qui m'a donné l'amour. Ah, ce char me porte bonheur. Il est bon. Il est bon, ce char. Parfaitement, Pessinette. Il portera bonheur à celui qui l'appela char. Bon. Elle l'appela char. Oh. Pessinette sourit joyeusement. Johnny de retrouver... Quoi ? Pardon. Pessinette sourit joyeusement à l'idée de retrouver sa contractuelle dont il serre encore sur son cœur sous son déguisement boudinesque, la contravention amoureuse où apparaissent encore ses mots pleins de promesses, enlèvement demandé. Mais juste au moment où Pessinette s'abîme dans ses pensées amoureuses, le char carnavalesque freine brusquement devant une boulangerie. Mais qu'est-ce qu'il fait ce chauffeur? Allons, allons, qu'il nous mène vite vers notre terre natale. Et alors, c'est l'heure de la bouffe, mon pote. Arrête de râler aussi haut quand il ne fait qu'acheter un pain. Bref, je ne veux pas qu'à cause du pain, tu râles haut. Oh. Tu râles haut, allez, bon. Oh, les gars. Hélas, au moment où Montadebout exhale son rire, gras comme une truie qui se serait beurré la couenne un soir de java parce qu'on lui trouverait pas le sein doux, le camionneur sort de la boulangerie avec un énorme pain de 30 kilos sur le bras. À la vue des deux éboueurs saucissonnés dans leur boudin, son regard s'allume. Kik. Ah, ça tombe bien, je sais pas quoi me mettre dans mon sandwich. Voilà deux énormes boudins qui vont me combler, un petit creux. Tiens, voilà deux boudins, te voilà deux boudins. Ah, attendez, attendez, on n'est pas des boudins. On est des boudeux. Non, des boueux. Ah oui, mais on a deux très mauvais goûts. Quand tu nous auras mangé, on verra ce que tu diras des goûts. Ah, dira des goûts. Silence, les boudins, on ne parle pas à table. Et d'un seul coup, le camionneur goinfre ouvre son canif. Il ouvre le pain en deux et dépose avec délectation les deux malheureux éboueurs, tout en tirant une langue aussi baveuse qu'une omelette au crapaud. Il ficelle le tout et pose son gigantesque et démoniaque sandwich sur le siège avant. Allez, en route, je vais tâcher de me trouver un petit coin tranquille pour croûter. Quelle ignominie! Comment peut-on être assez sadique pour écrire un feuilleté? Pardon, un feuilleton aussi sordide. Mon estomac qui était tombé dans mes talons me sautille dans la panse comme un haricot mexicain égaré dans un cossoulet toulousain. C'est alors que le camionneur gargantuesque a une idée. Tiens, je vais me croquer un petit bout de sandwich tout de suite. Ah, le camionneur ouvre un large bec et ne laissant pas tomber sa proie, il s'apprête à planter dans le sandwich poutineau et bouette cette rente dedans menaçante. C'est alors que... En entendant les coups de sifflet, le camionneur écrase sa pédale de frein. Ah ben, alors, vous avez pas vu le panneau de la douane, non? Ah non, je mangeais. Sauvé par les douanes. On aurait dit que cette frontière avait une âme. C'est normal, Pessinette. La frontière a une âme, et l'âme a ses douanes. Silence, la bouffe. Mais dites donc, vous essayez de passer de la main devant, Froude, vous? Oh, bon, si on n'a plus le droit de mettre ce qu'on veut dans son sandwich, alors, hein. Bon, allez, descendez de là avec votre sandwich qui sent la poubelle. J'appelle mon chef. Chef! Chef! Ah, mes enfants, quelle aventure! J'ai bien cru que les éboueurs étaient cuits et qu'ils allaient finir dans l'estomac sauvage de l'ignoble camionneur Gouinf. Mais l'aventure n'est pas finie! Et Cupidon fait la gueule, car sans chercher à comprendre, le douanier d'être son chef enferme tout le monde au cachot. Comment Pessinette, ligoté dans 300 mètres de boudin, attaché avec Montadou dans un sandwich maudit et enfermé en prison, va-t-il faire pour retrouver sa contractuelle de Saint-Troupougnol adorée? Vous le saurez demain, en étant au rendez-vous de l'amour et du casse-dalle séquestré, pour le 29e épisode de notre grand feuilleton à l'Est des Brailles. Dernier extrait de l'album de la semaine, Quelque part un aigle. Voici le titre, On va vous donner du rock. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny, de 22h jusqu'à minuit, tous les mercredis. Sors la moto direction le désert. l'instant, Johnny Hallyday va répondre à nos questions, à Guy Montagny et à moi-même. Mais d'abord, je sais que Johnny, après avoir bien travaillé l'après-midi, après avoir bien répété sa nouvelle tournée avec son nouvel orchestre, rentre chez lui, ne sort pas le soir, mais regarde des films vidéo à la télévision. Vous regardez beaucoup plus les films vidéo que la télé. Oh bien oui, parce qu'à la télé, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Ah bon? Ah là là. On va encore nous accuser d'être partisans, non? Vous êtes pourtant un fan de la télé, Oui, non, je suis un fan du cinéma, moi je suis pas un fan de la télé, enfin à part quelques émissions de variété, mais comme on nous propose pas tellement grand-chose en ce moment, je veux dire, on nous propose à part les émissions culturelles, moi j'ai pas tellement besoin de me cultiver, surtout avec ce qu'ils nous proposent, de me cultiver... Enfin, c'est pas terrible en ce moment, il faut dire. Hein. Ça manque un peu d'humour. Moi, je m'étais acheté une vidéo surtout pour enregistrer des films, mais comme il n'y a rien. Non, il y a l'émission d'Eddie Mitchell qui vient, parce qu'il en passe des films. Ouais. Puis c'est sympa, on se retrouve dans les années 60. Mais enfin, je veux dire, la télé, c'est... Mais est-ce que vous pensez que la télé ne serait pas plutôt faite en dehors des films, parce qu'il faut quand même en passer un petit peu pour créer un petit peu des films. Avant, c'était bien, on avait sur une chaîne que je nommerai pas ici, on avait des films tous les soirs. Maintenant, pour ce soir, je sais que déjà la télé, je ne vais pas la regarder. Mais je veux dire, il n'y a pas que les films, on peut aussi, la télé peut créer aussi des téléfilms, comme on dit, des aventures. Est-ce que c'est bien ça, c'est pour la télévision, ou est-ce que vous préférez avoir des films? Je préfère avoir des films. Ouais. C'est un petit peu pour tous les goûts. J'étais aux États-Unis, il y a plein de téléfilms aux États-Unis. Bon, ils sont bien faits, ils sont faits comme des films, mais en fait ils sont quand même faits pour la télé. Il faut se dire, ils peuvent pas aller trop loin, comme c'est fait pour la télé. Alors c'est jamais aussi bien qu'un vrai film fait pour les salles de cinéma. Et vous restez donc fidèle à votre vidéo et vous procurez de plus en plus de films à l'extérieur. Ben oui, j'ai pas le choix. Hein. Il y a quelques jours, vous êtes allé en Italie, au Festival de Sanremo, et là, vous avez chanté quelque chose de tout à fait inattendu pour vous, c'est l'Ave Maria. Oui. Pourquoi? Pourquoi pas? Lequel? Bruno ou... Bruno, oui. Ben, j'ai chanté l'Ave Maria parce que quoi, ça s'adaptait bien. Oui, nous aussi, on a... En italien. La langue italienne est quand même une langue... assez mélodique, on a fait Ave Maria, pourquoi, j'en sais rien, pas plus, comme ça, parce qu'on avait envie de la faire. Alors, vous êtes arrivé en Italie, ça n'a pas été simple, parce que vous avez dû faire face à des grèves. Oui, enfin, je devais aller faire une télévision à Milan, alors là, on revient encore à la télé, 8 ans, c'est pas de la faute de la télé, d'ailleurs, cette fois-ci. Il y avait du brouillard à Milan, j'ai dû atterrir à Gênes, on a dû louer une voiture, aller jusqu'à Milan dans le brouillard. Tout ça pour se lever le lendemain matin à 9h pour faire une télé, qui, quand on est arrivé, il y avait la grève, on l'a pas faite. Voilà. Les mésaventures de Johnny Hallyday en Italie. Et pour l'instant, une nouvelle chanson de Johnny Hallyday, extrait de... Nouvel épisode, extrait de son nouvel album qui nous présente aujourd'hui, Johnny Hallyday, La Caisse. Non, non, c'est bien l'Ave Maria qu'on va écouter, mais Johnny s'est trompé, c'est pas la version de Gounod, hein. Non, qu'il a repris, c'est la version de Schubert. Solo una preghiera. Voici la version d'Ave Maria, Johnny Hallyday italien, sur l'antenne de RIG dans Johnny 2 à Z. Resta solo questa preghiera. Sono qui nel silenzio della chiesa e mi sembra che tutti guardino me. Ma cosa fa un uomo davanti all'altare, cosa mai chiederà? Yeah. già tardi oramai. Oh, Ave, Ave Maria, fa che ritorni insieme a me. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Et on retourne Johnny Hallyday pour une dernière fois en live. Toujours avec Lizzy. En 1982. Et avec ce titre, Deux étrangers. Que Johnny reprendra aussi au Palais des Sports. Hein. Du 14 septembre au 11 novembre. Mais qu'il aura vite retiré. Hein, au bout d'une semaine, il aura retiré ce titre-là. Et ainsi que d'autres. On en profite. On s'est aimé trop peut-être en épuisant notre amour et l'orage en tempête. On s'est perdu chacun notre tour et après tant d'amour et après tant de jours. Les étrangers, s'achève cette émission Johnny 2 à Z, la 584, avec l'album de la semaine. Quelque part un aigle. Vous avez pu écouter John Hayday qui faisait la promotion de son album Quelque part un aigle, donc sur RMC, sur RTL, sur Antenne 2. Et puis voilà, donc vous avez pu avoir 2 heures de rétrospective sur en gros 3 mois de promotion de Johnny Hayday pour ce nouvel album. Et j'espère que cette émission vous aura plu. Et puis vous aurez très tôt le podcast. Bonne nuit, à bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.